c'est Billy Key, c'est Billy Mo Tugs. D-O-N-Y, Big Mac, donc Big Tugs. M-O D-O-N-Y, dingue du microphone. Dingue du microphone. Dingue du microphone. Dingue du microphone. The time bomb à lunatique, Nas c'est son cinématique. On me surnomme le dingue du microphone. Mob Deep, Ice Cube, S.A. Westside Connection. On me surnomme le dingue du microphone. Monkey Master Flex, la voix des Ice, les brothers. No Limit, c'est du Joker. On me surnomme le dingue du microphone. Tarantino Zay, Black Diplomat, Chef Boudin. On me surnomme le dingue depuis ce putain de jour où je suis né. Je remercie le ciel de l'avoir créé. Elle remplit ma vie, je l'ai épousée. À 10 piges depuis mes premiers couplets. Depuis ce putain de jour où je suis né. Mob Deep avec leur dame musique voulait nous buter. Ils ont pris ma vie, nourri mes pensées. Je pense qu'un don m'a été donné. Depuis ce putain de jour. League 2001, pas d'album du début à la fin. Pendant que l'unique ta mère régnait sur Paris. Dans mon sud centre c'était l'époque de Pac et Biggie. Tous dans l'ambiance, Chris Cross, Jeff danse, ouf ouf quand j'y pense. Truc de ouf quand j'y pense. Du son lourd et bientôt ce sera nous dans vos couplets. Lorsque la roue va tourner. Le time bomb à lunatique, Nas c'est son cinématique. On me surnomme le dingue du microphone. Mob Deep, Ice Cube, S.A. Westside Connection. On me surnomme le dingue du microphone. Funky Master Flex, la voix des Ice, les brothers. No Limit, c'est du choc. On me surnomme le dingue du microphone. Tarantino Zay, Black Diplomat, Chef Boudin. On me surnomme le dingue. Grini, 1997. Mon rap vient de naître, à l'époque avec des cassettes. Mob Deep, Génération Hell on Earth. Ma cité va craquer, 187 code meurtre. La haine nous fait devenir boys in the hood. Des packs et Biggie se forment en pack dans mes hoods. Hey, je sais pas ce que j'ai, ni ce que je fais. Mais qu'est-ce qui me prend? J'ai déchiré mes cahiers. Je veux me mettre à rapper, c'est la rue qui m'a appelé. Je sais que c'est naze, mais j'y vais comme un soldat à l'armée. Rap, rap, musique que j'aime, musique qui gêne. Musique que je sens dans mes gènes. Musique qui parle de tous nos problèmes. Tu défends nos vies, et je kiffe quand tu insultes le peine. Musique rap, rap, musique de jeunes. Musique qui engraine, musique qui nous brise les chaînes. Le time bomb à lunatique, Nas c'est son cinématique. On me surnomme le dingue du microphone. Mob Deep, Ice Cube, S.A. Westside Connection. On me surnomme le dingue du microphone. Funky Master Flex, la voix des Ice, les brothers. No Limit, c'est du choc. On me surnomme le dingue du microphone. Tarantino Zay, Black Diplomat, Chef Boudin. On me surnomme le dingue. Le time bomb à lunatique, Nas c'est son cinématique. On me surnomme le dingue du microphone. Mob Deep, Ice Cube, S.A. Westside Connection. On me surnomme le dingue du microphone. Funky Master Flex, la voix des Ice, les brothers. No Limit, c'est du choc. On me surnomme le dingue du microphone. Tarantino Zay, Black Diplomat, Chef Boudin. On me surnomme le dingue.